Ce vendredi, à la vie en BD, des contes illustrés, une bande dessinée en réalité augmentée, les 80 ans de Spirou, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude pour plonger dans la sphère du 9e art. Et cette semaine, un peu comme les dernières semaines en fait, on reste dans la sphère du Festival Québec BD. Énormément d'activités qui se préparent, qui s'en viennent. Et en plus, il faut dire que La Vie en BD prendra une pause de 2 semaines également dans les prochaines semaines. Alors c'est un peu notre dernière ligne droite radiophonique en amont du festival. Ensuite, on sera de retour exceptionnellement un samedi, le 14 avril prochain, dans le cadre du festival, dans le cadre également du Salon international du livre de Québec, pour une émission spéciale qu'on présentera en direct du Centre des congrès de Québec, le 14 à 13h30. Donc ça, c'est notre prochain rendez-vous radiophonique. Donc on est vraiment une dernière ligne droite vers le festival, et une occasion peut-être de continuer, de terminer, de faire le plein d'événements et d'éléments de la programmation. On en a déjà parlé pas mal la semaine dernière avec Thomas-Louis Côté, le directeur général et programmateur de l'événement. On a déjà observé certains événements et spectacles qui se préparent, et cette semaine, deux derniers regards qu'on porte sur spectacles, événements et expositions. La deuxième partie de l'émission, on va porter un regard sur une exposition qui s'appelle Les Chroniques de Montcalm, que j'ai le plaisir de chapeauter par le biais de l'organisme Parenthèse 9. On parle d'une bande dessinée en réalité augmentée qui va être présentée sur l'avenue Cartier ici à Québec. Alors ce sera à l'affiche à partir du Festival et de la Semaine numérique de Québec, et ce jusqu'à la fin septembre prochain. Alors, comment on fait ça, une bande dessinée en réalité augmentée? C'est ce qu'on va essayer de décrypter avec deux des concepteurs du projet, donc Julien Dallaire-Charret, dessinateur, et Benoît Duna, qui est concepteur technologique et numérique. En fin d'émission, on va plutôt porter, comme à l'habitude d'ailleurs, un regard sur la programmation du club de lecture 4x4 du côté de la Maison de la littérature. Alors Paul Bordelot, qui le 15 avril prépare une programmation autour des 80 ans de Spirou. Alors il a choisi 4 albums qu'il juge représentatifs un peu de l'univers et de ce que lui apprécie justement d'univers de Spirou. Alors on va lui en jaser en fin d'émission. Et dans quelques minutes, on va porter un regard sur un autre des spectacles du festival. Celui-là aura lieu le 12 avril. Il s'agit de Contes illustré. Alors, on va jaser de contes et de dessins en compagnie du conteur Marc-André Fortin. Donc, ça, ce sera dans quelques minutes. Alors, c'est le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. Alors évidemment, comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques notules d'actualité, et notamment l'édition 2018 du prix de la bande dessinée politique, remis chaque année par France Culture, a annoncé ses finalistes. Alors 3 albums qui s'opposeront. Pays à nous de Jessica Oubli et Marie-Ange Rousseau, 50 nuances de grec de Jules et Charles Pépin, et Paroles d'honneur de Léa Slimani et Laetitia Corinne. Alors le prix lui va être remis à l'Assemblée nationale le 7 avril prochain, à l'occasion de la 27e journée du livre politique organisée par Lire la société. Autre récompense, on a annoncé les gagnants du prix Mangawa 2018. Alors, un prix qui est ouvert aux collèges, lycées, médiathèques et bibliothèques en France et francophones à l'étranger. Un prix qui vise notamment à orienter les jeunes lecteurs vers la découverte de mangas de qualité. Alors, il est organisé par la librairie L'Ange Bleu à Périgny en partenariat avec différents acteurs. Alors, eux ont choisi, comme à l'habitude, c'est toujours des choix de suggestions. Alors, on est dans le manga, donc la catégorie shonen, c'est Im, tome 1 de Makoto Morishita. La catégorie shoujo, c'est Perfect World, le premier tome de Ri Haruga. Et enfin, la catégorie seinen, c'est L'Enfant et le Maudit, le premier tome également de Nagabe. Et dernier petit clin d'œil à l'actualité pour cette semaine, eh bien, pour les amateurs de la série New Gods, eh bien, la réalisatrice Ava DuVernay, qui va faire entre autres Selma, est en train de finaliser un accord avec l'éditeur de bande dessinée DC Comics et le studio Warner Brothers pour réaliser l'adaptation au cinéma des aventures des New Gods, les Nouveaux Dieux. Alors, je le rappelle, il s'agit de super-héros créés par Jack Kirby en février 1971, des super-héros qui sont natifs des planètes jumelles New Genesis et Apocalypse, l'une utopique dirigée par le bienveillant Highfather, l'autre cauchemardesque tenu par le tyrannique Darkseid. Highfather et Darkseid qui se livrent évidemment à des affrontements immémoriaux qui se répercutent sur Terre. Et pour la partie un peu historique de la chose, eh bien, New Gods serait et sera, on l'imagine, le deuxième film majeur de super-héros réalisé par une femme après Wonder Woman, qui avait été réalisé par Patty Jenkins. Alors voilà pour ces quelques petits clins d'œil. En musique, mais on est toujours dans la 8-bit. Cette semaine, c'est la formation Pink and Yellow pardon, qui nous accompagne avec leur album Rosie Retrospection. On écoute un premier extrait. Que vous pouvez toujours retrouver La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, divers partages autour évidemment d'événements liés à la scène bande dessinée de Québec et du Québec. Et on recommence également sur lavieenbd.wordpress.com à remettre en ligne les balados diffusion. On en a échappé quelques-unes au fil des dernières semaines, voire des derniers mois, mais on est en rattrapage. J'espère bien avoir tout remis en ligne à temps pour le Festival Québec BD. Alors, on tombe maintenant donc justement dans la programmation de cet événement. On regarde sur un spectacle qui s'appelle Les Contes illustrés, qui est proposé par Parenthèse 9, spectacle que j'ai le plaisir d'accompagner de loin et de proche à la fois. Un spectacle qui va proposer une rencontre entre contes, musique et dessin. La musique de Frédéric Brunet, le dessin de Julien Dallaire-Charret et Catherine Lemieux, et les contes de Sylvain Vigneault et Marc-André Fortin. Marc-André Fortin est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Raymond. Bonjour oreille de CKRL. Merci de nous écouter. Et Marc-André, évidemment, en fait, on te sait de Trois-Rivières, t'es de passage à Québec pour, entre autres, le festival Le Conte et Menterie, qui a lieu... De cette semaine, et ça finit dimanche qui s'en vient, là. Fait que, dimanche le 1er avril, ça tombe bien pour un concours de Menterie. Effectivement, c'est comme la date toute choisie, oui, toute sélectionnée. Des fois, les planètes s'enlignent, puis on utilise ça. Et donc, on te retrouve à Québec ce week-end, et tu seras de retour ensuite le 12 avril pour Les Contes illustrés. Deux contextes de présentation, j'imagine, différents, parce que sur les contes réguliers, dans le fond, t'es seul sur scène ou parfois avec des acolytes et tu portes, dans le fond, l'histoire en mots et en images. Avec des dessinateurs, dans le contexte des contes illustrés, tu portes les mots, mais il y a déjà une certaine interprétation qui est faite, qui est proposée au public. Oui, et c'est ça qui est intéressant, pour moi, en tant que conteur, c'est de voir aussi, non pas l'illustration directe. Si, mettons, je parle d'un bûcheron, on va pas nécessairement illustrer le bûcheron, mais on va illustrer l'ambiance du bûcheron, peut-être juste la forêt, que moi, j'utilise pas en mots, que je ne décris pas parce que j'en ressens pas le besoin, mais pour mettre de l'ambiance pour le spectateur, pour l'œil, pour situer la chose, ben le dessin permet de augmenter le tout. Ma parole crée des images dans la tête, mais les dessinateurs viennent aussi créer d'autres images pour enrober tout ça et mieux. C'est presque du cinéma en temps réel. C'est ça qui devient intéressant. C'est en plus que dans la tête de ton cinéma, t'as des images qui te sont proposées. Tu peux jumeler, superposer l'image que t'as dans ta tête avec l'image que tu as sur écran. C'est fabuleux pour ça. Et la musique, en même temps, vient d'apporter un apport. C'est une belle symbiose de trois médiums mis en un qui, d'emblée, on fait comme, mais ça se peut-tu? Et pour l'avoir déjà essayé, mon Dieu, que ça se fait et que c'est intéressant. Oui, parce que déjà, en fait, le conte lui-même est très visuel, ironiquement, en fait, parce que on le porte seulement par la parole. Mais en même temps, tu as déjà dit dans une entrevue, je trouvais que la formule était bonne. Si tu as 200 personnes dans ta salle, tu racontes l'histoire, ben, c'est 200 histoires, finalement, que tu es en train de raconter en même temps, parce que chacun se crée son propre imaginaire, dans le fond. Donc, déjà, au départ, on a un médium qui est purement vocal, mais extrêmement visuel. Oui, extrêmement. Parce qu'il y a des conteurs aussi, il va y avoir des descriptions qui vont formater dans ta tête une image bien précise. Des fois, ça va être des évocations, comme un poème peut l'être, ou après ça, dans ta tête, ben, tu dessines dans ce que tu veux. Mais en jumelant la parole et le dessin, ce que j'apprécie, c'est vraiment. C'est comme une coopération qu'on fait. C'est pas. On n'est pas deux médiums séparés qu'on a collés. Il se passe de quoi? Il y a une interaction entre le dessinateur et le conteur. Ces deux médiums-là se parlent en même temps devant du public. Et ça, c'est intéressant parce que les conteurs, ben, tu l'as dit, on est beaucoup individuels. C'est pas des spectacles collectifs. C'est rare des duos de conteurs. Donc, on est toujours seul. Mais là, il y a comme une communication entre quelqu'un qui dessine et quelqu'un qui parle pour le bienfait du spectateur qui voit tout ça se dérouler devant ses yeux puis qui fait comme, wow, OK, c'est belle présentation. Merci. Oui, c'est d'aller peut-être un peu au-delà, dans le fond, dire que le dessinateur, c'est pas le premier spectateur, dans le fond. Non, il est vraiment acteur de la chose, parce que le dessinateur, en même temps, parce qu'on en a jamais pas fait non plus 63 fois, mais les fois que je l'ai fait, je me rends compte que le dessinateur, il est à l'écoute et il propose aussi des choses, malgré que les contes, ça reste sensiblement la même histoire qu'on raconte, mais de temps en temps, il peut avoir une modification, le dessinateur peut avoir une idée, proposer de quoi, et en tant que conteur, ben, je reste à l'affût de ce qui est dessiné, qui moi aussi me permet de prendre une nouvelle angle, une nouvelle avenue, d'ouvrir une porte que j'ai jamais ouverte, puis faire comme, ah, ça se peut, ce territoire-là, merci de cette proposition, fait qu'il y a comme une communication tacite, un peu cachée, presque ésotérique entre le conteur et le dessinateur. Oui, parce qu'il faut dire, en fait, c'est un peu la première du concept. En fait, c'est un concept qui existe, qui est utilisé dans différents contextes. De ton côté, on l'avait expérimenté à la Maison de la littérature dans un laboratoire. Oui. Et là, maintenant, ça fait quelques semaines que tu as des échanges justement avec les deux dessinateurs. Et j'imagine qu'il y a une distinction aussi entre le labo qui était très spontané, un peu improvisé, comme tu fais souvent dans tes contes, et en arriver avec une proposition plus finale, si on peut dire, où là, il y a des passages obligés, faut scénariser peut-être un peu plus le conte. Je suis obligé de me structurer. Déjà là, c'est une grosse part qu'il faut que je fasse. Mais en même temps, ça permet aussi d'évoluer dans des avenues que je ne fais pas parce que je suis beaucoup dans l'éphémère, dans la spontanéité, dans ce qui se passe. Le public, s'il réagit, ben, je vais peut-être jouer avec ça. Mais là, j'ai pas le choix de me structurer parce que je peux pas perdre les conteurs les dessinateurs qui s'en vont dans une place. Ils s'attendent que je m'en aille là. Si j'y vais pas, ils font oups. Fait qu'il faut se structurer, mais ça permet de développer aussi des nouvelles avenues d'un art que je ne connais pas. Je ne suis pas illustrateur, je ne suis pas dessinateur. J'ai de la difficulté à faire une ligne droite avec une règle. Donc, pour moi, c'est un art et ça permet au dessinateur d'utiliser aussi d'autres vecteurs que juste un crayon Sharpie. Il peut utiliser de l'aquarelle, crayon gras, du pastel, tout est utilisable. Et ça devient intéressant aussi si on se structure un peu, on peut aller plus loin que juste dessiner ce qui est dit. Fait que ça devient intéressant aussi de voir, ah OK, j'avais jamais pensé à utiliser, je sais pas moi, un pastel gras pour illustrer telle affaire rapidement ou de la manipulation d'images. J'ai peut-être dessiné un personnage qui est récurrent dans ton histoire, fait que au lieu de le dessiner à chaque fois, mais je l'ai déjà prédessiné et je vais le faire interagir avec un petit bâton, fait qu'il devient comme une marionnette. Hop, c'est une nouvelle avenue qu'on a sur le dessin parce que personnellement, moi je suis habitué le dessin, c'est une bande dessinée et ça finit là ou c'est un dessin à la télévision. Mais là de voir que toutes les choses qu'on peut amener ou du sable qui peut faire, je sais pas, comme des étoiles qu'on va mettre dessus ou de l'encre qu'on va la lancer avec une brosse à dents ou une paille pour créer un effet. On vient de prendre une autre structure, une autre vision et ça aussi, ça devient intéressant. En tout cas, pour moi, en tant que conteur qui ne connaît pas ce médium-là, de faire, il y a tout ce volet-là qui existe dans l'illustration. C'est des outils additionnels, dans le fond, au bout du compte, qu'on met au service de l'imaginaire. Parce que l'idée, c'est quand même de préserver le droit du public, dans le conte, d'imaginer, d'inventer une histoire. Donc, c'est des éléments additionnels, mais reste que c'est au public de faire l'amalgame, dans le fond, du tout qui est rendu. C'est pas donné du tout cru. Oui, c'est pas du cinéma, justement. C'est cinématographique, mais sans être aussi orienté, aussi cadré que le cinéma. cinéma. Si enfin, pour faire un parallèle, je dirais qu'on est comme des courtes pointes. C'est comme si, en tout cas, les cercles de fermières qui nous écoutaient présentement, si on vous donne des morceaux pour faire une courte pointe, mais chaque personne va faire une courte pointe différente, mais avec les mêmes morceaux pareils, avec les mêmes images. Fait qu'on fait pareil, on vous donne des morceaux de courte pointe, et c'est à vous, après ça, en tant que spectateur, de faire la courte pointe que vous voulez avec tout ça. C'est comme un casse-tête aussi. On vous donne les morceaux du casse-tête, assemblez-le vous-même, le casse-tête, comme vous voulez, puis nous, c'est le fun, ça peut donner différentes images. Les casse-têtes s'emboîtent dans n'importe quel ordre, fait que ça, il n'y a pas de problème. L'image dans ta tête va peut-être être différente de ton conjoint, ta conjointe qui t'accompagne, de tes enfants, mais ça va s'en ressembler quand même parce que tout est proposé pour... On te laisse une liberté, mais en même temps, gars, on t'encadre aussi ta liberté. Et en fait, tu mentionnais tantôt, au niveau préparation, que souvent, t'aimes... Ton naturel est plus spontané, En fait, je me prépare jamais. Présentement, là, je m'en vais tout à l'heure, là, au voûte de la maison Chevalier pour compter, là. Je sais même pas encore ce que je vais compter. Puis ce que je vais compter, ben, il risque d'en avoir la moitié que je sais pas encore ce que je vais dire. Je me prépare pas. C'est ça comme ça que je fais. Oui, puis ça m'a fasciné parce qu'on jasait de contes, des histoires que t'avais disponibles. Et t'en as, tu peux nous lister plusieurs contes que t'as construits, que t'as écrits, que t'as bâtis. Je peux même t'en nommer que j'ai jamais compté. Et j'ai l'impression avec toi qu'on est vraiment dans l'oralité, en fait, un peu, bon, mes références sont un peu Grèce antique, souvent, bon, les aèdes, dans le fond, l'idée que l'histoire, on la construit, mais dans l'esprit, et on la construit en la racontant, donc on retourne un peu à la pratique ancestrale, la culture orale au sens propre, là, si on peut dire. Moi, c'est ce que j'aime, parce qu'en même temps, ça me permet de laisser toujours les portes ouvertes, d'aller dans... parce qu'il y a beaucoup de fois... Parce que je fais beaucoup d'erreurs aussi sur scène, mais personne ne s'en rend compte. Je peux dire une ânerie, puis je fais « Ah non, là, je viens de m'auto-piéger dans mon histoire. » Mais comme je décide aussi de m'en sortir, de pas juste faire « Excusez, je me suis trompé, on reprend », ben ça me permet d'après ça de développer aussi des nouvelles avenues que je n'ai jamais faites. J'ai des fois des fins de compte que je découvre avec les spectateurs. J'ai un compte que c'est un enfant, à un moment donné, dans une école, qui m'a donné la fin. Il a levé sa main, j'ai dit « Oui, jeune homme. » Il m'a donné la fin, puis je fais « Exactement, tu as trouvé la fin, bravo. » Mais j'en avais pas de fin encore. Fait que je me laisse toutes ces portes-là d'ouvertes parce que c'est un plaisir pour moi. Je suis un enfant de l'école de Robert Gravel, l'improvisateur. Fait que ça fait 20 ans que je fais de l'impro. Fait que je suis à l'aise avec ça, la spontanéité, les choses qui vont arriver, de le reprendre, de le transmuter, puis de l'ordonner. Fait que je me laisse cette porte-là aussi avec le conte. Et ça me permet aussi que si jamais je suis dérangé, il arrive quelque chose, un imprévu, faut arrêter, ben je suis pas perdu dans mon texte, je suis pas perdu dans ma tête. Moi, je fais juste te raconter comme je te raconterais le party que j'ai eu hier. Mais j'imagine qu'à la longue, justement, les récits finissent par, je dirais pas se fixer, mais quand même un peu, d'une certaine manière. Oui. Donc, il y a des parcours qui se définissent, la rivière se creuse, là. Oui, le parallèle qu'on peut faire, c'est que tu achètes une nouvelle maison, il y a un petit boisé, tu fais hop, il semble avoir une ouverture dans le petit boisé, il n'y a pas vraiment de sentier, mais plus tu marches, plus le sentier va se taper, plus il va se dégager, puis plus tu le marches, ben plus tu es après ça à l'affût de voir, y a-tu d'autres possibilités de sentier que j'avais pas remarqué au départ, parce qu'il faut que j'observe les roches, les branches qui sont là, faut que je tasse un arbre tout le temps. Mais une fois que tu l'as marché 100 fois, t'as plus besoin d'observer, tu sais où est-ce qu'ils sont tes roches, tu sais où sont tes racines, fait que tu peux pas être plus observer ce qu'il y a ailleurs. Même chose pour le conte, plus je l'ai compté, ben plus après ça, ben, je sais où aller, je sais ce qui est le plus intéressant à compter, je sais des morceaux que je peux enlever, je sais où est-ce que je peux placer des digressions, fait que... Ça, moi, c'est ce que j'aime, en fait. Et j'imagine qu'il y a une distinction dans un contexte de création, mais en fait, il y a un peu trois cadres. En fait, celui où on choisit le chemin, donc un peu avec les contes illustrés, où tu sais qu'il faut que tu passes, faut que tu tasses telle branche à tel moment. Donc, il y a un peu, la voie est un peu plus tracée. Ceux où tu te lances un peu spontanément. Et dans un troisième contexte, aussi, exemple, tu as une MRC ou des organisations qui disent, mais peux-tu nous écrire des contes? Là, subitement, faut tomber un peu plus vers l'écrit. On est un peu, c'est une relation différente avec, trois relations différentes avec le texte. Oui, mais, toi, dans le texte, oui, mais pas dans la présentation. Parce que même dans les contes illustrés qu'il va avoir le 12 avril, malgré qu'on connaît l'histoire, malgré qu'il y a des choses qui sont placées, mais il y a toujours la possibilité de... Je me rends de A à C, mais peut-être que B va être différent. Peut-être que je vais mettre la lettre D, finalement, à la place de B à ce moment-là. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Si le spectateur, il arrive de quoi, il se passe de quoi, le musicien propose une musique où il y a une erreur qui est faite, où le dessinateur fait le mauvais dessin, s'est trompé dans ses cartons, il se passe de quoi, ben je vais le réutiliser mm-hmm. pour racheter ça. Fait que je reste toujours dans cette possibilité-là, même si une MRC décide, ah, on a commencé à avoir des comptes, si faut, je dois le faire à l'oral, moi, je les préviens, voici la version écrite, suivez-moi pas après ça, là. Parce que quand je vais la raconter, ça sera pas du tout pareil. Pour moi, c'est encore là, c'est deux médiums. Mm-hmm. Quand je parle, c'est plus ludique, c'est humoristique, mais à l'écrit, c'est plus poétique. C'est, il y a d'autres images que j'amène à l'écrit que je ne mets pas à la réalité. Parce que c'est pas le même médium, j'ai pas la même, je vois pas la chose de la même façon de le lire et de le dire. Même chose pour la poésie. Il y a des poèmes qui se lient, il y a d'autres poèmes qui s'écoutent. Et c'est ça qui devient intéressant. Fait que moi, c'est trois façons de faire, mais qui, pour moi, ça change pas grand-chose à l'oralité. Je m'adapte beaucoup à... C'est quoi la formule? Je vais m'adapter à cette formule-là, ça, il n'y a pas de problème, en restant très, très ouvert aux possibilités. Et à la limite, en fait, ça devient un plaisir, justement, d'essayer de s'adapter à la formule. Oui. Parce que ça te remet en danger. Oui, parce que... Étonnamment, mettre des contraintes, c'est sortir de ses pantoufles en même temps. En tout cas, pour moi, on met des contraintes, c'est comme, je suis pas habitué d'avoir des contraintes. Habituellement, c'est une liberté totale, j'y vais comme je veux, comme je le pense, mais en mettant un cadre bien précis, c'est comme, oups, comment je peux jouer maintenant dans ce cadre-là? C'est trouver la liberté dans ce cadre-là. En improvisation, il y a une comparaison des fois qu'on dit, c'est le soccer, il y a un terrain, mais si tu as besoin d'un cadre, tu peux faire tout ce que tu veux dans un cadre précis. Agrandis ton terrain, mets des buts plus grands, rajoute des joueurs, si ça marchera pas, ça te prend un cadre bien précis. Donc, quand moi je compte, il y a un cadre bien précis. Dans les comptes illustrés, il y a un cadre bien précis, mais sont où les possibilités dans tout ça? Il y a peut-être des raccoins de cadre qu'on n'a jamais visités. Je vais peut-être y aller là, ou des fois, parce que c'est ma personnalité, je suis capable de sortir un pied en dehors du cadre, juste voir qu'est-ce qui arrive. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, oups, je ramène mon pied à l'intérieur. Mais ça, c'est un plaisir que j'ai. Ça. Oui, puis c'est intéressant, en fait, de voir dans le métissage, justement, juste les contraintes qui sont nécessitées de part et d'autre, dans la mesure où les premières questions des dessinateurs, c'était beaucoup, mais combien de temps il dure ton compte? Oui. Combien de dessins il faut planifier, etc. Tu te dis, ben, je sais pas combien de temps vous voulez qu'il dure. Oui, exactement. Je peux vous le faire 5 minutes, je peux le faire 1 heure, puis ça va être le même compte, finalement, avec le même début, la même fin. Oui. Mais après ça, les ramifications, les branches qu'on met en place changent complètement. Donc, à la limite, dans le cas des contes illustrés, l'impression que ça me laissait, c'est que c'est beaucoup les dessinateurs, dans le fond, qui t'amènent un certain cadre, d'une certaine manière. Mais par la force des choses, parce que un dessinateur, s'il dessine un personnage, ben au moment qu'on fait comme OK, il dessine le personnage, ben c'est compris, il y a plus besoin de passer 2 minutes sur le personnage. Donc il faut placer des choses absolument par la force des choses, parce qu'on peut pas dessiner aussi rapidement que je parle. On voudrait bien, mais ça prendrait des bons poignets pour faire ça, puis des bonnes mains. Mais oui, les dessinateurs me présentent un cadre, mais sont tellement agréable à travailler, du fait que voici le cadre, mais on peut le péter, le cadre. On peut l'agrandir, on peut le déformer. Ça peut être un cadre hexagonal au lieu d'être carré, rectangulaire. Fait qu'il y a ce plaisir-là aussi. Les dessinateurs sont tellement bons dans leur médium qu'ils s'adaptent à tout. Parce que moi-même, je connais pas assez ça pour leur dire, est-ce que ça se peut? Là, ils se questionnent, ils réfléchissent, ils cogitent, ils pensent, ils essayent, puis on fait comme, ça devient intéressant. Beau mixage entre les deux, parfait, parce que on se nourrit l'un l'autre, étonnamment, malgré que c'est deux médiums très différents, on se nourrit. Mm-hmm. Le fait que maintenant je vois des fois ce que je raconte, ça me permet maintenant de compter aussi différemment, de faire, ah, OK, un dessinateur voit ça comme ça dans sa tête. Ah, moi, je voyais pas ça de même. OK, je vais peut-être juste changer quelques formulations pour donner des nouvelles images aux personnes, ou pour clarifier des images aussi, ou des choses que moi, je vois clair, mais que le public voyait pas ça tant clair. Le dessinateur le met maintenant en image. Ben, maintenant, quand je compte tout seul, je fais, ah oui, le dessinateur faisait ça, je vais le décrire ça. C'est intéressant. J'ai vu le public réagir au dessin en faisant comme, ah, OK. Et de même, la bécosse au camp du bûcheron. Ah oui, ah, ben, là, ça devient drôle de décrire la bécosse à ce moment-là. Oui, puis en même temps, ça force, j'ai l'impression aussi, à aller chercher, l'identité, l'esprit, la dynamique du conte, parce que, bon, il va y avoir 8 histoires, le 12 au Musée de la Civilisation. Chaque histoire, que ce soit les tiennes ou celles de Sylvain Vigneault, ben c'est des contextes différents, c'est des histoires différentes. On voit du polar, des histoires d'horreur, des histoires traditionnelles, etc. Donc c'est un peu de trouver aussi l'identité, en fait, de réfléchir, d'analyser dans le fond la proposition d'une certaine manière. Oui, et de trouver quel pattern va être le mieux approprié à tel type de conte. Sur un polar, on fera pas de l'art naïf. Il y a comme une distorsion entre les deux, où quoi, comme ça, ça va devenir intéressant maintenant que j'y pense. Mais en même temps, d'emblée, tu vois, qu'est-ce qui va bien se marier entre la proposition du conteur et le médium de l'illustration? Qu'est-ce qui va être présentable? Qu'est-ce qui va être fait? Quelle manipulation va être proposée? Donc, on va pouvoir jouer avec ça. Fait que ça, c'est un beau mariage entre les deux à cause de ça. Ça, j'adore ces moments-là pour ça, de se proposer mutuellement, puis de trouver ensemble. Parce que c'est pas juste, voici mon conte, dessinez-le. C'est ensemble, toi dessinateur, moi conteur, comment on présente cette histoire-là maintenant? Oui, puis qu'est-ce qu'on amplifie? Dans le fond, tu parles du polar, ben justement, ça pourrait être quand même une histoire, bon, je dirais pas, c'est absolument pas drôle comme histoire, mais on peut aller dans différentes ambiances. En fait, on est dans une histoire de politicien sans scrupules, et le fait justement d'accentuer, en fait, on dirait que le dessin, la musique, ça vient accentuer, ça rajoute une couche au polar. Et ça devient, dans le fond, ça s'approprie complètement le genre, si on peut dire. Alors que si on avait simplement un des trois médiums, on pourrait surfer sur d'autres cadres ou aller différemment, si on peut dire, dans l'appropriation stylistique. Là, si on oui, peut parce dire. Que quand je le compte sans l'apport musical et de l'illustration, c'est un peu différent. Il y a des choses que j'appuie plus, il y a des mots que je décortique plus pour mettre l'emphase sur un élément, mais maintenant que ça qui rajoute, j'ai plus besoin de ça. Je suis beaucoup plus, j'ai plus besoin de porter mes propos. Il y a déjà de la musique et l'illustration qui va le porter. C'est beaucoup plus calme dans ma tête aussi, puis c'est beaucoup plus agréable également. Et c'est comme écouter un film. Enlève la trame sonore, on dirait qu'il manque oui. de quoi. J'ai déjà trouvé sur YouTube, il représentait des sitcoms, pas de rire en canne. C'est plate, mais l'apport du rire en canne fait juste que ah, ça devient bon. Et c'est la même chose pour la musique qui va être là et l'illustration. Oui, ben en fait, c'est là j'ai l'impression où on se dit, OK, on a réussi à faire un mix, à faire un bon cocktail. C'est quand tu dis, ben j'enlève un des trois et c'est plus du tout la même chose. Non. En fait. Et chaque chose indépendante est intéressante, peut avoir un intérêt, mais le tout de ce compte-là a besoin des trois pour exister. C'est comme si on avait inventé un nouveau médium. Mettons, c'est le dixième art. On va le dire aujourd'hui, on vient d'inventer le dixième art, qui est musique, conte et illustration. Fait que ça permet de développer, et plus on va le faire, je pense, et plus on va se questionner, de voir des avenues, d'avoir des rétractions. Peut-être même qu'on va développer des choses qu'on n'a pas encore pensées. Peut-être qu'il va se développer aussi des façons de faire, qu'on fait comme « Eh, ça se peut ». Et peut-être que quelqu'un va venir en spectateur, va faire « Eh, ça m'intéresse beaucoup », il va peaufiner ce petit moment-là et lui va en développer un art. Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne le voit pas nulle part, ça. C'est rare qu'on voit ça, cette formule-là. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais côtoyé non plus beaucoup. Il y a des hybrides qui se ressemblent, mais ces trois médiums-là ensemble, en presque symbiose, finalement. Oui, parce que c'est ça l'élément, en fait. Si existe en parallèle, oui, il y a un intérêt, mais le défi, c'est de trouver cette symbiose-là, d'aller vers le dixième art, comme tu dis. Oui, oui. Puis c'est le fun aussi, en tant qu'artisan, là, peu importe de quel médium tu fais, en tant qu'artiste, d'essayer de développer, de créer. C'est le fun de créer puis d'essayer des choses, de voir, ça se peut-tu? Oui, tant mieux. Hey, finalement, non, on s'est planté, mais on peut-tu trouver autre chose? Ces moments-là, malgré qu'on fait des pratiques à 9h le matin, ben ça nous permet de juste réfléchir à quelque chose qu'on fait jamais. Moi, j'ai fini de me poser des questions sur le compte, là. Hey, faut-tu que je fasse ça? Je me lève-tu? Je m'assois-tu? Non, j'y vais naturel. Je philosophe plus sur ça. Mais en faisant ça, là, j'ai plus le choix. Faut que je repositionne ma pensée sur mon médium à moi, parce qu'il y a deux autres acteurs qui est l'illustration et la musique pour, OK, faut qu'ils m'accompagnent, faut que je les accompagne aussi. Fait que ça me permet encore là de réfléchir à mon art, et j'imagine que le musicien et les dessinateurs font la même chose aussi, de, hop, j'avais jamais vu cette option-là dans mon art. Maintenant, je l'ai. Une nouvelle corde à mon arc, tant mieux, je vais l'utiliser maintenant dans ce que je fais solo. Et ce que je trouve intéressant dans le contexte aussi où, évidemment, on est là aujourd'hui pour inviter le monde à venir faire un tour le 12 avril prochain, c'est en plus c'est contribution volontaire, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir au niveau monétaire. C'est au musée de la civilisation dans l'auditorium Roland Arpin. Et donc, on va avoir 200 personnes, plutôt que le faire justement à 9h dans un appartement, on va avoir 200 personnes dans la salle qui va donner une rétroaction, qui va donner en live, dans le fond, une appréciation, qui va pouvoir le donner aussi par après, parce que c'est une première présentation, donc c'est aussi l'opportunité pour les gens de contribuer à la construction de ce médium-là qu'on essaie de proposer. Mais nécessairement, juste le fait d'avoir une salle de 200, autant pour les dessinateurs, pour le musicien que pour toi, ça va déjà changer la donne. Ah, beaucoup, déjà, beaucoup, énormément. On a besoin de spectateurs, on a besoin de yeux et d'oreilles, parce que tout ça va changer. Moi, je pratique pas mes contes chez moi, je suis pas devant le miroir à réciter mes contes. Il y a des contes, des fois, que la première fois que je les raconte, c'est devant le public. Je me suis jamais compté moi-même, parce que j'ai besoin de connaître le public, où est-ce qu'ils veulent aller, vers quoi ils ont une appréciation, vers quoi ils sont moins intéressés. Donc, on a besoin de ces oreilles-là pour avoir une rétroaction. C'est un partage. Mm-hmm. Sinon, on va se filmer, puis on va vous envoyer le DVD chez vous, puis écoutez-nous, là. Mais là, on a besoin de ce monde-là. C'est ça qui est le fun avec ce projet-là. C'est, en même temps, on peut le faire dans un appartement, mais il manque vraiment. C'est intéressant le partage qu'on a, nous autres les artistes, mais le spectateur va être... En fait, moi, j'ai l'impression que ce que je vais utiliser, je vais demander au spectateur de temps en temps des choses. Moi, je suis très aussi dans l'interaction avec le spectateur. Fait que je vais avoir besoin de valider les informations, de les questionner pour qu'ils me donnent aussi des idées. Oui, ben ça revient un peu à ce que tu disais en terminant, Marc-André Fortin, dans mesure où, dans les contes, en fait, une fois que le chemin est bien tracé, c'est plaisant justement de voir qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre. Et dans les dernières semaines, dans le fond, on a placé un chemin entre toi, les dessinateurs et les musiciens. Là, l'idée en spectacle, même si c'est la première fois, ça va être quand même de se donner, d'aller chercher cette mise en danger-là à travers justement l'interaction. Oui, oui, de voir, je suis dans mon sentier, comme, hey, j'avais pas remarqué cet arbre-là. C'est pas grand-chose, mais je vais regarder, voir, je vais faire le tour de cet arbre-là, juste voir si c'est quelque chose. Parce que, évidemment, je vais pas sortir du sentier le 12 avril, parce que c'est les dessinateurs et les musiciens, ils vont capoter. Mais, c'est de voir de, hey, je vais peut-être mettre juste un petit peu en danger aussi ce qu'on fait devant le spectateur. Juste de dire quelque chose pour le dessinateur, lui, qui reste en qui-vive, qui soit là, qui soit pas juste non plus spectateur de ce que je fais, qui comme, il faut qu'il soit là. Il y a peut-être un petit danger. Je vais citer Loco Locas, là. J'ai besoin du vide pour marcher sur le fil. C'est intéressant de marcher sur un fil, mais si je le monte à 20 pieds, le fil, whoop, c'est quand même encore marcher sur le fil. Mais là, ça devient intéressant. On veut voir ça. Fait que j'ai besoin de ce danger-là aussi. On va monter le fil, là, on ne restera pas assis à terre. On va le monter. Fait que soyez là, tout le monde. Soyez là, tout le monde, pour juste voir ce qui va se passer. Il y a peut-être même des fins que j'ai pas pensé qui vont arriver. Peut-être qu'on va scraper un compte live. Alors, c'est l'occasion de le faire. Ça, je le rappelle, en fait, ça s'appelle Les Contes illustrés. C'est jeudi 12 avril prochain à 20h30 au Musée de la civilisation. C'est gratuit, contribution volontaire. Donc, Sylvain Vigneault et Marc-André Fortin au compte. Catherine Lemieux, Julien Dallaire-Charret au dessin avec la musique de Frédéric Brunet. Alors, une soirée qu'on espère très, très, très trippante. Oui. Alors, ben, Marc-André, on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et nous, on repart en musique, toujours ici, à La Vie en BD. On est toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours des regards, en fait, sur des propositions. En fait, je pense qu'on l'a vu avec la première dont on vient de jaser. Des trucs assez différents, en fait. C'est l'intérêt, évidemment, de festivals, d'événements et de projets comme ça. Ben, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des contextes et des chemins classiques et habituels. Et un autre de ces chemins qui sera défriché, on pourrait dire, c'est du côté de l'avenue Cartier. Donc, une exposition qui s'appelle Les Chroniques de Montcalm, qui va être présentée à partir du 5 avril jusqu'au 30 septembre 2018. Vernissage qui est prévu pour le vendredi 6 avril à 17h du côté de la librairie du quartier où vous êtes tous et toutes conviés. Et pour en jaser, eh bien, on est en compagnie du concepteur technologique, du concepteur numérique de cette exposition, Benoît Duina. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Benoît, en fait, l'idée de ce projet-là, l'idée justement de proposer une bande dessinée en réalité augmentée, c'est un peu toi qui me l'avais lancé à brûle pour point dans une discussion comme ça. On s'est dit, ben pourquoi pas justement essayer de métisser de cette façon-là les technologies et la bande dessinée? Ouais, ben en fait l'idée était un peu venue de pendant le il y avait eu un hackathon de la culture, puis ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête un petit peu d'utiliser justement des soit des murales, soit des choses qu'on peut voir dans le paysage urbain, puis de les augmenter avec le téléphone, avec plus de contenu. Fait que là, de pouvoir proposer de la BD virtuelle et en même temps de la BD physique, puisqu'il y aura des panneaux, c'est vraiment intéressant. Et justement, peut-être si on définit là, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la réalité augmentée, tu as déjà lancé quelques indices, mais si je te lance sur une définition un peu plus étoffée. Ouais, ben la réalité augmentée, c'est assez vaste dans le fond, parce que on pourrait parler d'augmenter tous les sens, mais on va dire que d'une façon générale, la réalité augmentée, c'est d'utiliser des appareils comme les tablettes ou les téléphones, c'est l'outil de prédilection, pour venir rajouter des éléments virtuels par-dessus la réalité. Ça peut être de façon 2D, c'est-à-dire qu'on regarde une affiche, mettons, puis il y a des éléments graphiques qui apparaissent en plus sur cette affiche, ou ça peut être plus complexe avec de la 3D, comme on avait pu le voir avec des jeux comme Pokémon Go, qui viennent installer des objets virtuels dans l'espace réel grâce au téléphone. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, Pokémon Go est un bon exemple qui est venu peut-être un peu démocratiser l'idée de la réalité augmentée, donc la décloisonner un peu de projets plus, entre guillemets, de niche et pour en faire une adoption planétaire, là, ça. Ouais, ben c'est sûr que ça avait donné un coup de visibilité, parce que ça fait quand même très longtemps que les techniques de réalité augmentée qui permettent de venir intégrer des éléments virtuels de façon plus ou moins réaliste dans un flux de caméra, ça fait très longtemps que ça existe puis que ça fonctionne. C'est utilisé un petit peu plus dans l'industrie de pointe, parce qu'on va utiliser des caméras puis des capteurs qui vont permettre d'avoir on va dire une immersion qui est plus intense, mais de plus en plus on voit que ça peut s'appliquer à des cas plus touristiques ou culturels dans des applications de téléphone. Et donc, dans ce cas-ci, bien, on dit donc on a cet outil-là, on a la possibilité donc de rendre virtuel certains pans d'une bande dessinée. L'idée, c'est de voir justement comment on réussit à faire le métissage entre le réel et le virtuel, pour pas, j'imagine aussi, que la réalité augmentée devienne simplement un gadget qu'on fait pour le faire. Ouais, ben là, je dirais que l'intérêt qu'on avait dans ce projet-là, c'était de rendre un petit peu plus dynamique la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on va avoir un panneau physique qui, lui, va être statique, quelques cases de la bande dessinée, puis on va venir rajouter des cases pour continuer l'histoire avec un tout petit peu plus de dynamisme. Vous pourrez voir sur place, mais il y a comme quelques courtes animations 2D, puis l'utilisateur peut aussi interagir un tout petit peu en ayant comme des boutons suivants pour voir se dévoiler la bande dessinée au fur et à mesure. Fait que ça rend un petit peu le côté interactif, puis le côté dynamique qui peut parfois manquer à une exposition physique, on va dire. Donc, on va chercher un peu comme ça la justification, si on peut dire, de la réalité augmentée, en disant, bon, OK, on ajoute du mouvement, on ajoute des animations, on dépasse un peu simplement le médium de la case habituelle. D'ailleurs, en fait, j'ai eu l'occasion, bon, évidemment, en participant au projet, veux pas, j'en ai vu, mais on éclate justement la notion des cases. Il y a pas de cases dans les éléments qui sont rajoutés en réalité virtuelle. On n'est pas sur le papier, donc on s'oblige pas à avoir les contraintes du papier. Ouais, exactement. Puis ça peut permettre aussi d'aller jouer sur certains points, comme de la transparence ou de la profondeur, justement jouer un petit peu avec la notion de 3D. Puis aussi, je pense qu'un point qui est important, c'est la transportabilité. Si on veut proposer l'exposition ailleurs, ben, l'application, elle, existe, puis on peut, dans le fond, réimprimer, puis poser ailleurs, puis continuer à voir, ce qui n'est pas forcément possible quand on a des installations plus compliquées avec des caméras ou des écrans géants qui font des choses un petit peu plus dynamiques, mais qui sont difficiles à transporter. Oui, donc d'une certaine manière, en fait, pour bien comprendre, ce que l'application reconnaît, c'est essentiellement, dans le fond, la case qui est physique, donc la partie physique de la bande dessinée. On va la décoder, et en reconnaissant ça, c'est là qu'on va aller garnir, dans le fond, les éléments plus virtuels. Oui, quand la réalité a commencé, on utilisait beaucoup des marqueurs, ce qu'on appelle marqueurs, là, l'image que le logiciel va identifier, qui était très noir et blanc, très carré. On a cette image-là des espèces de QR codes, qui un peu comme des codes-barres, mais un petit peu plus complexes. Puis au fur et à mesure, les algorithmes se sont améliorés. Puis maintenant, on est vraiment capable de détecter pas mal n'importe quelle image. C'est l'utilisateur qui va proposer, dans le cadre du développement de l'application, là, c'est moi qui ai proposer puis qui ait implémenté les images de dessinateurs en tant que marqueur que l'application va reconnaître. Puis c'est vraiment sur ça que le logiciel va aller faire ses calculs pour ensuite proposer la BD par en virtuel. Et donc c'est comme ça qu'on peut dire, ben évidemment il y a la partie où on peut la proposer sur l'avenue, mais si on se retrouve dans d'autres contextes, dans d'autres endroits, ben on va pouvoir justement décoder quand même la bande dessinée. Je pense que tu l'avais même testé avec une publicité que la Société de développement commercial du quartier des Arts, SDC Montcalm, avait proposé et ça marchait justement même avec la publicité elle-même. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que les outils de reconnaissance maintenant qui existent sont vraiment très robustes. Puis même s'il y a la moitié du panneau qui est caché, la détection va quand même se faire. Puis ça va permettre de continuer à visualiser la BD. Puis on peut imprimer dans des formats plus petits. Puis mettons, on est à la maison, puis on a aimé l'exposition, on veut l'envoyer à nos amis qui sont à l'étranger ou en. Puis on peut leur envoyer une image pour qu'ils puissent essayer aussi l'application avec un petit peu un moins bon rendu qu'en étant sur place avec la grande taille des panneaux, mais ça peut donner quand même une petite idée. Et dans un contexte comme ça, je me tourne vers Julien Dallaire-Charret, qui est l'un des dessinateurs justement sur ce projet-là. Est-ce que ça change un peu la composition? En fait, ben d'un côté, en fait, on a la case physique, la planche physique à préparer qui doit aussi pouvoir servir de marqueur. Et en même temps, ben on travaille sur une BD, sur des histoires qui, elles, sont développées de manière plus virtuelle. On éclate le format, on n'est pas dans des cases, on est à la limite entre l'animation et la BD. J'imagine que ça doit changer un peu la manière d'aborder tout ça. Ben oui, tout à fait. Là. C'était un peu ça le défi en fait du projet, je crois. C'est de un peu réinventer sur tout ce qui est sens de lecture et tout. Puis ben c'est entre autres c'est Francis Dernay qui a scénarisé toutes les bandes dessinées. Puis c'est vraiment lui, je pense, qui a eu ce beau cassage de tête là à faire. Ça a été très bien tiré, mais on a beaucoup joué avec un peu. C'est ça, c'est de guider le lecteur selon l'apparition des cases. Entre autres, quelque chose qu'on peut pas faire en bande dessinée normalement. Fait que, comme tu dis, il y a un impact sur je dirais c'est un peu entre l'animation, mais sans être trop animé, mais il y a une espèce, on a un contrôle quand même sur le tempo, le timing, d'où une espèce de vraiment un projet hybride, là. C'est ça qui est intéressant de jouer avec. Donc dans le fond, t'orientes l'ordre de lecture du lecteur, on oriente un peu le rythme, il peut prendre le temps qu'il veut, si on peut dire, pour regarder le dessin, mais c'est ensuite en déclenchant dans le fond la suite qu'on va lui déterminer le chemin de lecture qu'il va avoir à faire. Oui, c'est ça, carrément. Je peux comparer, hein, supposons quelqu'un qui lit des bandes dessinées sur sa tablette, si on choisit, des fois c'est par case ou par page, comme dans un album normalement, mais là, en plus, il y a tout le contexte de, ben, est-ce qu'il faut que je regarde par en haut, par en bas, il y a vraiment cet aspect tridimensionnel-là qu'on retrouve pas en bande dessinée qui est super intéressant. Puis on peut jouer aussi avec la disposition, comme il y a je vais pas vendre les punchs, mais il y a un des numéros, c'est ça que... On joue sur... Il y a un des personnages qui saute sur une case qui est une des cases du panneau. Donc, on a une espèce d'interaction entre le réel et le virtuel. Là, puis ça fait des trucs vraiment intéressants. Et j'imagine, Benoît Dunas, ça a dû être certains défis aussi d'intégration, dans le fond, pour jouer. Comme je viens de dire, si on met sur une case, il doit apparaître à des endroits précis, le reste. Donc là, c'est de faire le lien entre l'idée du scénariste, le travail que le dessinateur a fait, et de réussir à l'intégrer dans l'application. Ouais, ben c'est sûr que ça a aidé aussi le fait que les dessinateurs avaient déjà travaillé un petit peu dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'ils avaient quand même une expérience en termes d'intégration de dessins dans des environnements, on va dire numériques. Mais c'était vraiment intéressant là à faire. Puis le fait d'avoir des panneaux justement avec des directions un petit peu différentes, ça donnait pas redondant, fait que c'est vraiment intéressant à réaliser. Oui, parce que Julien, en fait, les histoires, en fait, pour contextualiser, je pense qu'on n'a même pas parlé du nombre de panneaux. Il y a 8 panneaux. Sur chaque panneau, dans le fond, il y a 16 histoires, un homme et une femme qu'on va suivre, dans le fond, au fil de différentes anecdotes. Et donc, dans le fond, l'idée, au niveau du scénario de Francis, autant que du dessin de toi et de Bach, l'idée, c'est de pas se répéter non plus, de pas, dans la manière de raconter l'histoire, dans la manière d'utiliser les possibilités du médium. Oui, c'est ça. Ben, carrément, là, chaque panneau a un peu son thème, je dirais. Puis aussi, entre autres, ce qui différencie les panneaux, c'est le thème, mais aussi un peu comment on utilise cette nouveauté qui est la BD en réalité augmentée, sans tomber trop dans l'espèce d'artifice numérique, parce que je pense que ça, on l'avait dit de base, c'est faut pas que ça soit trop gadget. On peut pas, c'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'il faut nécessairement les faire. Tout est vraiment au profit de l'histoire et de la narration. Et enfin, on parlait de l'expérience en jeu vidéo. Benoît le mentionnait. Est-ce que tu as l'impression justement que ça t'a servi dans ta manière d'aborder le projet, que sans ça, tu aurais peut-être eu plus de difficultés à te lancer dans une initiative comme celle-là? Ah, tout à fait. Là. Puis Bac aussi, on a un peu le même parcours. Là. Puis c'est ça m'a vraiment rappelé quand je faisais du jeu vidéo. Là. C'est vraiment tout de... Quand on conçoit son image, de penser à comment ça va être intégré, tout ce qui est question d'optimisation aussi. Là. Puis il y avait vraiment... ça prenait quand même... un peu de connaissances là-dedans. On a été très bien guidés par Benoît, là, mais je pense que si je prends par exemple quelqu'un qui est habitué de juste faire de l'aquarelle, supposons, il y aurait eu un tout autre travail là, pour ce qui est de... Parce que je veux pas le fini numérique, fait que ça prend quand même une interaction avec l'ordinateur à un moment donné. Là. Oui, puis je trouvais intéressant, Julien, que la façon dont tu as choisi de nous montrer les histoires, les cases en cours de production, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas les montrer simplement avec le dessin, donc tu as choisi d'y aller avec des gifs animés pour nous permettre de comprendre, dans le fond, même en création, comment ça allait se positionner, tout ça. Oui, puis ça, je le faisais pour le montrer, puis pour moi aussi, ça me permettait de voir un peu... justement la durée, comment donner une idée de timing. Puis c'est ça, je pense, la bonne façon de le voir, c'est un peu sans tomber dans l'animation, mais tu sais, voir les segments un à un, dans quel ordre ils apparaissent, où est-ce qu'ils vont être situés par rapport à l'autre. Puis oui, c'est ça, c'est comme la seule façon un peu de visualiser ça, parce que juste par écrit ou papier, on comprend mal le truc. Là. Fait que ça prenait vraiment un bon storyboard que Francis avait fait, puis ensuite, nous, on en rajoutait en plus. Là. Puis ensuite, c'était Benoît qui, à partir, dans le fond, du GIF, à partir des images, le reproduisait, puis t'avais, dans le fond, Benoît, à intégrer ça, à intégrer ces contraintes-là pour que ça soit lisible pour le lecteur. Puis dans le contexte d'une application qu'on n'a pas besoin non plus de réfléchir avant d'utiliser, dans le fond, que ça soit très instinctif, tout ça aussi. Ouais, c'était le but, c'était d'essayer de faire quelque chose qui était le plus facile possible, avec pas vraiment de consignes, à part regarder le panneau puis se laisser porter. Puis après, on a fait, au début, on a fait quelques séances de co-working, là, où on était à côté, puis ça a été vraiment intéressant, justement, pour que on prenne les habitudes de travail l'un l'autre, puis ça a permis de lancer un petit peu la machine, puis après, une fois qu'on a eu fait un panneau, ben, c'est sûr que ça a été assez le déroulage, puis on va dire notre flux de travail était en place, puis ça a bien été. Et je le rappelle, en fait, tout ça, ça va être disponible à partir du 5 avril sur l'avenue Cartier jusqu'au 30 septembre. Il y a évidemment le vernissage. Vous allez être présent. Vous allez pouvoir répondre aux questions, entre autres, parce qu'il va sûrement y en avoir sur comment tout ça s'est fait. Donc ça, c'est à 17h30 le 6 avril, donc dans la librairie du Cartier, devant laquelle il y aura d'ailleurs un des 8 panneaux. Et en terminant, peut-être, en fait, sur les 8 et les 16 histoires, dans le fond, qui vont être proposées, des 16 chroniques de Montcalm. Julien, Benoît, un petit coup de cœur, votre préféré peut-être, ou celle que vous auriez envie de partager à brûle pour point avec les auditeurs? Moi, je peux commencer. Il y en a une qui a un peu un rapport à l'Halloween que je trouve très drôle et très cocasse. On joue un peu avec... Il y a une espèce de gag visuel et tout, là, puis ça, je trouve que ça en est une bonne. Alors, celle de l'Halloween, ouais, on n'en dit pas plus. Voir. Non, suspense. Benoît? Moi, j'habite dans le quartier, c'est que c'est sûr qu'elle je me sens concerné un peu pour toutes, là, mais la première qui a été dessinée, peut-être avec le génie, je pense que c'est peut-être celle-là que je préfère. Alors, un génie qui apparaît après une vente dans un marché aux puces. Le marché aux puces de la rue Cartier. On n'en dira pas plus. Benoît, Duna, Julien Dallaire, Charest, merci à vous deux. Merci, puis on se verra le 6 avril. Exactement. Alors, voilà, donc je rappelle pour les informations sur l'application, donc ça s'appelle Cartier BD, c'est l'application des chroniques de Montcalm, une application qui sera disponible sur iOS et sur Android. Et donc c'est conceptualisé au niveau technologique par Benoît Duina, c'est dessiné par Bac et Julien Dallaire-Charest à partir d'un scénario de Francis Desharnais. la dernière ligne droite de la vie en BD. Je rappelle, dernière émission, on va une pause de 2 semaines, puisque on va se trouver. On va se retrouver donc dans le cadre du Festival Québec BD le 14 avril à 13h30. Exceptionnellement, donc une émission le samedi en direct du Centre des congrès de Québec. Et d'ici là, ben, pour les 2 prochains vendredis, on est en pause et on reprendra ensuite l'horaire régulier à partir du 20 avril. Et donc, cette dernière ligne droite, on s'est dit, ben, en fait, qu'on meuble votre programmation du Festival Québec BD. Et en même temps, il y a des rendez-vous qu'on aime bien vous rappeler aussi à chaque période, 4 fois par année, en fait. C'est les rendez-vous du club de lecture 4x4 de la Shop à Bulles de la Maison de la Littérature. Et un rendez-vous le prochain qui a lieu le 15 avril à 10h dans le cadre du Festival Québec BD et qui est animé par Paul Bordelot qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Paul. Bonjour Raymond. Et pour ce rendez-vous, ben, évidemment, vous vous imposez, on le sait, votre thématique. Tu as choisi de te lancer dans le 80e anniversaire de Spirou. Exactement. Alors, je vais passer à travers 4 albums de Spirou. Donc, on parle de 1966 jusqu'à 2011. C'est pas les derniers albums, mais j'ai choisi 4 albums. Avec évidemment Franquin et son album QRN sur Bretzelbourg. J'ai aussi choisi. Je peux pas passer à côté de Fournier, qui est déjà passé à notre atelier. Nous voir à un moment donné avec son album L'Encou, le numéro 27 de Spirou et Fantasio, qui date de 77. Après ça, ben j'ai choisi j'ai choisi un album qui fait pas partie de la collection Spirou, mais qui a été dessiné par Trondheim, scénarisé et dessiné par Trondheim avant qu'il fasse Panique en Atlantique, là, un one-shot Spirou. Il avait fait l'accélérateur atomique, c'est ça, c'était le numéro 9 des formidables aventures de Lapineau. Donc, il a changer son personnage en Spirou et Fantasio. Ils sont jamais nommés dans l'album, les noms de Spirou et Fantasio, mais c'est vraiment un hommage. Puis je termine avec le Spirou d'Émile Bravo, qui est le fameux journal d'un ingénu. Alors tout ça, c'est publié chez Dupuis, évidemment. Là, fait que je fais le tour un peu des auteurs qui ont un peu pris Spirou dans leur style, même si Franquin a été un des grands. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont traité Spirou depuis. Ouais. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un panorama de style d'appropriation, parce qu'effectivement, sur la quantité ouais. d'albums, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont très éclatés. Et, ouais. et chaque auteur qui a contribué à ça avait quand même une identité propre qui est mise à l'avant, parce que Spirou permettait même, dans le cadre de la série officielle, une certaine liberté de ce côté-là. Oui, c'est ça. Puis il y a des personnages qui ont été créés après ça dans la propre série, comme Franquin avec le Marsupilami. Il s'est laissé aller un peu lousse parce qu'il était sur la déprime là, après 15 albums. Je pense qu'il commençait à manquer. Il avait de la misère à trouver son personnage là-dedans, puis qui avait été légué à l'époque. Là, mais moi, en tout cas, je sais que comme jeune lecteur, Spirou m'a beaucoup influencé. Puis je trouvais que c'était un beau personnage qui alliait le Tintin et l'Astérix. Je crois qu'il était entre les deux. Mm-hmm. Pour moi, j'ai découvert ça récemment, en fin de compte, pourquoi ça me plaisait tant Spirou quand j'étais jeune. J'ai commencé à dessiner les Spirou tout petit parce que justement, je trouvais qu'il y avait de l'aventure comme Tintin, mais il y avait l'humour qu'on peut retrouver dans Astérix. Puis, pour moi, c'est le mix parfait, là. Tu as mentionné les titres dont tu vas parler, mais j'aimerais ça aller un peu plus en profondeur sur certains. Entre autres, tu disais tantôt, Paul Bordelot, que le numéro 18 QRN sur Bretzelbourg, c'est un peu un incontournable. Pourquoi c'est un incontournable, selon toi? Ah ben à ce moment-là, Franquin a fait une grande dépression, et puis il travaillait avec Greg. Donc, on connaît l'histoire de Spirou, c'est pré-publié dans le magazine. Il y a eu 15 mois entre le début des prépublications avant l'album et la fin de la publication de QRN dans le magazine. Là, à ce moment-là. Et pour moi, il y a un côté politique dans QRN. D'ailleurs, le titre a changé. Ça s'appelait QRM, comme Marie, qui faisait référence à électricité statique. Mais en fin de compte, l'histoire, c'est plus... ça signifie plus un langage radio qui veut dire radio-interférence dû à un brouillage radio. Donc, ils ont changé le titre même. Puis, je trouve que c'est un... Malgré que Franquin a travaillé très fort sur plusieurs autres albums, je trouve que celui-là, pour moi, entre autres, m'a marqué, même s'il y en a eu des magnifiques, là. étant donné son état de santé et tout, il était capable de se rendre jusqu'au bout de l'album. Donc pour moi, en tout cas, c'était un des beaux albums là, que Franquin a pu travailler malgré sa dépression. Là, ouais. Et pour l'Ankou, en fait, ça je pense que c'est pratiquement un choix unanime presque de tous les lecteurs. En fait, pour la période Fournier, on dirait que c'est celui qui ressort toujours comme étant le plus emblématique de ce qu'il était capable de faire avec le personnage. Ouais, ben l'Ankou, il est allé chercher une légende bretonne qui est le fameux valet de la mort. Le valet de la mort, c'est l'Ankou, là, c'est comme l'image de la mort. Et puis avec la problématique puis la peur du nucléaire qui est donc qui existe toujours à cette époque-là aussi. Donc, il a pu allier justement le moderne et le magique, parce qu'on connaît un peu Fournier avec ses autres séries qui sont un peu plus poétiques et magiques. Il a amené Spirou, qui était très babacou d'ailleurs, le Spirou de Fournier, qui me plaisait beaucoup avec ses pattes d'éléphant et sa petite Renault 5. Donc, c'est ça pour moi. Le Spirou de Fournier représente toute une période après Franquin qui n'a pas plu nécessairement à M. Dupuis, hein, on s'entend. Mm-hmm. Ouais. Et en terminant, Paul, j'aimerais t'entendre aussi parce que les Spirou partent, il y en a eu quand même pas mal. Pourquoi celui d'Émile Bravo particulièrement? Ah, ben celui d'Émile Bravo, cool, je pense qu'il s'est posé la question, mais c'est qui Spirou? Comment est-il devenu un héros? Puis, est-ce que j'étais amoureux? D'où vient Fantasio, son compagnon? Je sais pas. Émile Bravo, il a pu, je trouve, aller chercher justement les l'histoire. Un peu comme a fait récemment, on a pu découvrir un autre album de Spirou vu par l'auteur de Boule et Bill, le récent dessinateur de Boule et Bill, mais qui l'est plus, voyons, je cherche son nom. Qui parle de Spirou, qui est le petit roux. Le petit roux de excuse-moi, j'ai pas le nom non plus, mais c'est pas grave. Tirou, celui-là. Alors moi, puis le style aussi, Émile Bravo, son style très enfantin, mais très graphique en même temps. Il y en aurait eu plein, hein, j'aurais pu toutes les prendre. Moi, je suis amoureux aussi de ce que fait Schwartz et Yann avec le fameux Spirou qui a fait plus tard avec le groom vert, vert de gris. Puis la femme Léopard, celui-là aussi. Il a fallu que j'en prenne juste 4, mais j'aurais pu en prendre une dizaine. Oui. Sérieusement, des Spirou vu par, tu sais, il y en a des magnifiques, mais il fallait choisir, puis j'étais allé en chercher, donc, 4 assez différents. Ouais. Alors, ben, donc, on lance à travers tout ça l'invitation. On avertit les gens à l'avance cette fois-ci, d'ailleurs. Donc, c'est le 15 avril à 10h30, donc l'occasion d'aller prendre un croissant, un petit café, puis d'aller jaser BD pendant une belle heure en compagnie de Paul Bordelot et d'autres lecteurs. Alors, donc, l'invitation est lancée. Paul, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Bye-bye. Alors voilà, donc Paul Bordelot, je le rappelle, l'un des auteurs qui anime l'atelier La Chope à Bulles à la Maison de la littérature. Nous, c'est ainsi que se termine l'émission de cette semaine. Tel que mentionné, on se retrouve dans 2 semaines, le samedi 14 avril à 13h30 pour la prochaine édition de la VM en BD, spécial Festival Québec BD. Et ensuite, on retrouve la case horaire régulière à partir du 20 avril prochain. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.